Chapitre 20e. L'adieu. L'annonce que lui faisait le brave Sulpice plongea Roselin dans des sentiments bien divers, la joie, le triomphe, la fureur. Johanna s'aperçut des impressions qui agitaient son amant. Elle demanda « Tu vas te battre avec lui ? Oh, de toute mon âme ! Pense, mon ange, combien j'attends la minute qui me mettra en sa présence. Il t'a tellement fait souffrir, et l'a machiné contre mes amis, et moi des pièges si odieux. « Je sais, » dit-elle tristement. « Hélas, je n'essaierai pas de te retenir. Tout serait vain, je le sens. Non, ne me demande point cela, ma chérie. Ce serait la seule chose que je sois forcé de te refuser. La seule, bien vrai. Certes, tout ce qui n'est pas entrave à mon honneur, tu peux l'exiger de moi. Eh bien, soit, je vais assister à ton duel. Que dis-tu ? » s'écria Roselin. « Mais c'est impossible. Pourquoi ? Est-ce contraire à ton honneur, cela ? Non, seulement réfléchis. Tu as promis, mon aimé. » La voix douce et ferme de la comtesse arrêta les objections du gentilhomme, et il demeurait ébloui, fasciné, sous les rayons de son regard. « Soit, dit-il, puisque tu le veux, viens. Attends, murmura-t-elle en le retenant, un baiser encore. » Et les amants échangèrent une nouvelle étreinte passionnée. Puis tous deux allaient rejoindre les autres hôtes de la carrière. Dans une sorte de petite esplanade entourée de pentes abruptes et rocheuses, d'où l'on extrayait le marbre, Roselin retrouva Daubigné et la varenne. Ce dernier avait fait panser sa blessure, qui était heureusement légère. Sulpice, Babylas et Scipion étaient debout à quelques pas. Un peu plus loin, la Guibole et Francastor surveillaient un homme assis sur une pierre, dans une attitude de sombre et muet défi. C'était le marquis de Porto Carrero, l'amant de la comtesse Johanna Dolci, l'ambassadeur du roi d'Espagne. À la vue du baron de Givry, il se dressa, attendant sa parole. « Amenez cet homme !» commanda Roselin. Spontanément, le marquis s'avança. Alors seulement, il aperçut Johanna, qui jusqu'alors avait été dissimulée à ses yeux par un angle de rocher auquel elle s'appuyait, pâle et défaillante. L'Espagnol poussa un cri de rage, un rugissement de lion blessé, et fit un mouvement pour s'élancer vers la jeune femme. Belcoeur se plaça devant lui. « Tout beau, monsieur » scanda-t-il. « Vous préférez sans doute courir sus aux femmes et à meuter contre les hommes de cœur vos abjectes bravis. Mais cette fois, je vous ferai changer ces coutumes. » Et Givry, avec exaltation, tira son épée qui siffla dans l'air. Le marquis croisa les bras et répondit. « Et vous, monsieur, je vois que vous attaquez les gens sans défense. » Belcoeur rougit. En effet, l'Espagnol était sans armes. « Rendez-lui son épée » ordonna-t-il. Sulpice la porta au marquis. Il s'en saisit nerveusement. « Maintenant, en garde, monsieur !» dit Roselin. Les lames s'engagèrent. Porto Carrero gardait sa mine dure et hautaine. Seuls ses yeux jetaient des éclairs de haine et de fureur. Il était placé face à Johanna, et celle-ci dardait sur lui des regards fixes, étranges, qui attiraient malgré lui ceux du marquis. « Ah ça, monsieur !» dit Belcoeur. Vous êtes un très habile escrimeur, et je ne comprends pas pourquoi vous faites accomplir votre besogne par les autres au lieu de l'exécuter vous-même. Elle serait sûrement mieux faite. Voyez comme la vingtaine d'estafiers que vous avez recrutée contre moi a piteusement échoué. Peut-être, seul, auriez-vous mieux réussi. Il n'y a de bien fait que ce que l'entreprend soi-même. Le marquis, impassible de visage, rompait et attaquait. Gravement, Belcoeur poursuivit. « Il est vrai que vous avez la tête et le bras. C'est le cœur qui manque, n'est-ce pas ?» Porto Carrero sursauta. Ses ripostes devinrent plus rapides, plus violentes. « Ainsi, reprit Roselin, faisons le compte. Depuis 5 jours, regardez combien de vies vous avez sacrifiées pour en arriver à risquer la vôtre. Contre votre gré, je dois le reconnaître. » L'Espagnol porta une attaque hardie que Belcoeur para en se jouant. « Ce pauvre signor Procopio, pour commencer, » continua Givry, « avez-vous cherché à le retirer des eaux du Tibre ? Non ? C'est cruel, cela. Cette nuit, 8 ou 9 de vos sbires sont tombés dans les ruelles du Saint-Office. 4 au moins ont dû trépasser. Et tout à l'heure, combien d'autres sont restés sur le terrain ? Ah, vous êtes bien peu ménagé de la vie des vôtres, monsieur de Porto Carrero. » Belcoeur se fendit et touchant le marquis à l'épaule gauche, celui-ci recula. « En revanche, » continua Roselin, « vous êtes, me semble-t-il, très parcimonieux de la vôtre. Mais vous avez tort. Elle ne vaut pas la peine d'être conservée. Vous l'employez si mal, monsieur l'ambassadeur. » Au dernier degré de la colère, le marquis commençait à ferrailler trop nerveusement. Belcoeur, lui, demeurait très calme. Il reprit. « D'ailleurs, je crois fort que vous êtes destiné à rendre ici votre belle âme à Dieu. Si vous me tuez, j'ai deux amis qui prendront ma place, et vous ne me tuerez peut-être pas. » « C'est donc un assassinat ? » gronda l'Espagnol, farouche. « Oh, la vilaine parole ! Comme on voit bien que vous avez l'habitude du mot et de la chose. En quoi seriez-vous assassiné ? Parce que, ayant tué le baron de Givry, vous mesurez avec le chevalier de la Varenne, et que celui-ci, occupé par vous, vous devrez combattre avec le baron de Bigné. Nous sommes, par Dieu, de bons et loyaux gentilshommes. » Porto Carrero laissa échapper un grondement, et coup sur coup porta Belcoeur des bottes foudroyantes. « Oh là, tout doux !» s'exclama Roselin, en parant avec sang-froid. « Voilà que vous vous animez, monsieur. Allons, cela devient sérieux. » Et à son tour, il riposta par de telles pointes que l'une d'elles atteignit Porto Carrero au côté droit. « Là, cela va vous calmer. Notez que je suis un peu là. Tu Dieu, vous m'avez donné de la besogne ces dernières heures. » En effet, Belcoeur sentait la fatigue. Cela se voyait à une sorte de parti pris de n'exécuter que des ripostes classiques. Il ne ferraillait pas avec son impétuosité coutumière. La Varenne, qui connaissait sa force en escrime, comprenait que son ami se ménageait pour pouvoir durer. Johanna, par un instinct d'amoureuse, le devina aussi, et elle trembla pour Roselin. Ses yeux se firent plus ardents, dardés sur Porto Carrero, semblant vouloir le magnétiser, l'envoûter. Et l'Espagnol, duelliste consommé, se douta que Givry ne mentait pas et devait éprouver quelque épuisement. Cela le fouetta, l'enhardit. Il résolut de harasser son adversaire et l'entreprit en reculant, avançant, sautant de côté à la mode italienne. Belcoeur rassembla toutes ses énergies, banda l'arc de sa volonté. Son orgueil ne pouvait souffrir de succomber sous les yeux de Johanna, vaincue par son maître exécré. Brusquement, son ardeur se décupla, et lui aussi employa la méthode Porto Carrero. Ce dernier, surpris de ce regain de souplesse et de vigueur, fut troublé dans son jeu. Une minute, il fit face, mais soudain, après une parade merveilleuse de dextérité, Belcoeur porta au marquis un magnifique coup de prime. Sa lame entra dans la poitrine de l'Espagnol. Celui-ci, instinctivement, avait tendu le bras. Son épée entama profondément l'épaule de Roselin. Porto Carrero tomba en arrière comme une masse. Givry trébucha, vacilla, et s'abattit dans les bras de Johanna, accourue vers lui, éplorée et tremblante. On s'empressa. La plaie saignait abondamment. Sulpice, adroit en ses sortes d'offices, lava la plaie, la pansa. La comtesse aidait l'écuyer, et ses baisers, ses caresses étaient doux au gentilhomme. Quel baume pour sa blessure! Scipion était allé examiner Porto Carrero. « S'il n'en meurt pas, déclara-t-il, il aura la vie dure. « Bon, il en reviendra, » fit la Varenne. « La malherbe ne périt point. »« Johanna, » dit Roselin inquiet, « si cet homme réchappe, ta vie est en danger, il te tuera. « Calme-toi, mon aimé, n'aie aucun souci à ce sujet. « Crois-tu que, désormais, je pourrai continuer une vie semblable à celle que je menais avant de te rencontrer, de te connaître, de t'aimer ? Que comptes-tu faire ? Mon désir serait de te suivre là-bas, dans ton pays. Mais je sais que c'est impossible. Hélas, trop de choses irrémédiables s'y opposent. Je ne veux pas encombrer ta vie. Tu es jeune, beau, noble et vaillant. D'autres, plus dignes que moi, t'aimeront sous le bleu ciel de France. Johanna, je n'aime que toi, protesta Roselin près de sangloter. Elle sourit tristement. Je sais, ami, tu es sincère en cette minute. Mais il n'en serait pas toujours ainsi. Tu as 20 ans, j'en ai 30. Je traîne après moi un passé qui, plus tard, te détacherait de moi. Je suis forte et raisonnable, vois-tu ? Non, dit Givry avec véhémence. Tu as un cœur trop grand, une âme trop belle. Et tu es jeune, tendre, adorable. Où trouverais-je tant de trésors réunis ? Chut, tais-toi, mon ami. Écoute-moi. Je ne veux pas aller en France, mais je ne resterai pas à Rome. « Dès que tu seras parti, je vais faire mes préparatifs. Ils ne seront pas longs, car je les avais déjà commencés. Où iras-tu ? À Milan. Une de mes tantes est abbesse d'un couvent d'Ursuline. J'y entrerai sans prononcer de vœux. Tout d'abord, afin que, si tu revenais en Italie un jour, peut-être nous puissions nous revoir, si tu le veux. Oh, je le veux ardemment, ma Johanna. Oui, je reviendrai. Je te le promets, je te le jure. Pas trop tard, dit-elle en souriant avec grâce. Dans quelques années, je serai vieille. Toi, vieillir ? Ah, tu seras toujours la plus belle et la plus charmante. Ta grâce est impérissable, ma fleur d'Italie. Enfant, murmura-t-elle. Allons, tes amis sont prêts, il faut partir, il faut nous quitter. Sa voix tremblait. On sentait qu'elle appelait à elle toute sa volonté et tout son courage pour demeurer sereine et forte en cet instant cruel. Déjà, murmura Roselin. Il se sentait étreint par une peine poignante à l'idée qu'il allait s'éloigner de cette créature incomparable que lui avait révélé le ciel. La Varenne et d'Aubigné attendaient à l'écart. Les laquais tenaient en main les chevaux, les écuyers se tenaient auprès tout équipés, Lucine piaffait. Le corps de Porto Carrero avait été porté par humanité jusque sur le bord d'un chemin. Si quelqu'un le recueillait, le soignait et pouvait le guérir, c'est que la Providence l'aurait voulu. Roselin se leva, il tendit les bras à Johanna Dolci. « Mon ange, murmura-t-il, tout bouleversé, tu ne m'oublieras jamais, je le sais, mais sois sûr que moi aussi, je garderai ton souvenir à jamais au plus profond de mon âme. Et tu reviendras ? Implora-t-elle, la voix éteinte comme un accord de harpe brisé. Oui, oui, ou bien je te ferai venir, mais promets-moi de quitter Rome, de fuir, de te cacher, afin que ton bourreau ne puisse plus pouvoir te rejoindre. Je te le jure sur mon salut, mon bien chéri. Cette nuit même, je partirai pour Milan, et cet homme ignorera tout de moi, désormais. » Ils s'étreignirent encore, faisant passer leur amour dans ces derniers baisers, buvant leurs âmes sur leurs lèvres. « Va !» gémit Johanna. « Par grâce, pars, je n'en puis plus. »« Adieu !» murmura Roselin. « Instant suprême !»« Non, au revoir » fit-elle doucement, avec un navrant sourire. Il la serra encore, éperdument, contre lui, puis s'arracha violemment de ses bras, courut vers son cheval, l'enfourcha et piqua des deux comme un fou courant à l'abîme. Alors, il se retourna. Debout, au milieu de la petite esplanade, Johanna tendait les bras vers lui, dans une attitude indicible de tendresse, de douleur et de détresse. Son visage ruisselait de pleurs. On eût dit la statue du désespoir. Roselin porta la main à son cœur et à ses lèvres, et des doigts jeta un dernier baiser à la jeune femme, et il disparut au tournant de la route.